Prenons contact avec le moment présent. J'observe ma posture, la façon dont je suis assis. Et je porte attention au point de contact de mon corps avec le support. Mes pieds bien à plat contre le sol. Mes cuisses contre l'assise de la chaise. Et mes mains posées sur mes cuisses. Et puis, du mieux que je le peux, je vais suivre mon souffle d'instant en instant, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste moi, ma respiration, ici, maintenant. Et quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. Et si mon esprit vagabonde, que des pensées m'emmènent ailleurs, au moment où je m'en aperçois, je note où la pensée m'a emmenée et je choisis de ne pas être entraînée dans ce train de pensée, mais à raccompagner mon attention à mon souffle, avec bienveillance, avec douceur, sans jugement, juste moi et mon souffle, ici, maintenant. Du mieux que je le peux, je ressens et j'observe mon souffle, sans le modifier, sans induire quoi que ce soit. Et si à nouveau des pensées m'emmènent ailleurs, à nouveau, et autant de fois que nécessaire, avec bienveillance, avec douceur, je note où la pensée m'a emmenée et je reviens juste à mon souffle, tel qu'il est, d'instant en instant, et expiration après inspiration. Du mieux que je le peux, je ressens et j'observe mon souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire, et quand j'expire, je sais que j'expire. À présent, j'élargis le champ de mon attention à mon corps tout entier, mon corps comme un tout. mon corps ici et maintenant. Un peu comme si chaque partie de mon corps inspirait à l'inspiration et expirait à l'expiration. Peut-être puis-je expérimenter un sentiment de complétude. Et même observer les traits sur mon visage, juste là, en cet instant.